Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 4. De la vertu de la foi. Définition de la vertu de foi. Son sujet, sa forme, qui est la charité, foi informe et foi formée. Si la foi est une vertu, si elle est la première des vertus, de sa certitude. 1. Qu'est-ce que la foi? La foi, nous dit saint Paul, est la substance des choses que nous devons espérer et l'argument de celles que nous ne voyons point. Hébreux 11, 1. Par ces paroles, la foi est la substance des choses que nous devons espérer, l'apôtre nous veut marquer que le premier commencement de ces choses a lieu en nous par le sentiment même de la foi. Dans ces autres, l'argument des choses que nous ne voyons pas, l'expression argument désigne l'effet de la foi, qui consiste dans une adhésion ferme de notre esprit à des vérités qu'il ne nous est pas donné de voir. Aussi d'autres versions portent telle conviction au lieu d'argument. Quand nous disons argument, conviction, nous distinguons la foi de l'opinion, du soupçon et du doute, qui ne supposent pas l'adhésion ferme de l'esprit à une vérité. Quand nous disons des choses que nous ne voyons point, nous la distinguons de la science. Et, en disant quelle est la substance des choses que nous devons espérer, nous la distinguons, comme vertu, de toute autre croyance qui ne se rapporte pas à la béatitude que nous espérons. Les autres définitions de la foi ne sont que des commentaires de celle-là. Pour ramener les paroles de saint Paul à la forme ordinaire d'une définition, on peut s'exprimer ainsi. La foi est une habitude de l'esprit qui commence en nous la vie éternelle en faisant adhérer notre intelligence à des vérités que nous ne voyons pas. 2. La foi réside-t-elle dans l'intelligence? Lorsqu'un acte émane de deux facultés, il faut, pour qu'il soit parfait, que les deux facultés qui concourent à le produire soient perfectionnées par une habitude préexistante. C'est ainsi que, pour bien diviser une pièce de bois, il faut un bon ouvrier et une bonne scie. Nous avons dit que croire est l'acte de l'intelligence, mu par la volonté à donner son assentiment, cet acte procède, en conséquence, de l'intelligence et de la volonté. Dès lors, pour que l'acte de foi soit parfait, il faut qu'il y ait habitude vertueuse dans la volonté et dans l'intelligence. Mais, puisque croire est l'acte immédiat de l'intelligence elle-même, on peut dire absolument que la vertu de la foi réside dans l'intelligence comme dans son sujet. 3. La charité est-elle la forme de la foi? La charité est la forme de la foi, en ce sens qu'elle donne à la vertu de la foi sa forme dernière, l'acte de la foi est effectivement formé et perfectionné par elle. 4. La foi informe peut-elle devenir la foi formée, et réciproquement? Il est des théologiens qui ont prétendu qu'autre est l'habitude de la foi formée, autre l'habitude de la foi informe. Il n'en est pas ainsi, car, d'abord, il ne paraît pas convenable que la grâce, en se communiquant à l'âme, lui enlève un don de Dieu, tel que celui de la foi informe, et il ne convient pas davantage que Dieu réinfuse, comme un autre don, la foi informe dans l'âme qui pèche mortellement. Il n'est pas plus admissible que ces deux habitudes puissent exister en même temps dans le même sujet. Il faut donc dire que l'habitude de la foi formée n'est pas autre que celle de la foi informe, et que la foi informe devient la foi formée sans cesser d'être elle-même, comme l'enfant devient homme sans cesser d'être lui-même, comme l'être imparfait devient parfait sans cesser d'être numériquement le même être. Dans cette transmutation de la foi, ce qui change, ce n'est pas la foi elle-même, c'est le sujet de la foi, l'âme qui la possède, tantôt sans la charité, tantôt avec la charité. 5. La foi est-elle une vertu? La foi formée est une vertu, la foi informe n'en est pas une. La foi formée est une vertu, parce que la charité, qui lui donne sa forme, fait que notre volonté se porte infailliblement vers une bonne fin. La foi informe n'en est pas une, car, bien que, du côté de l'intelligence, elle soit parfaite, elle n'a pas la même perfection de la part de la volonté. 6. La foi est-elle, une? L'apôtre a dit, un seul Seigneur, une seule foi. Éphésiens 4, 5. Ces paroles nous marquent assez que la foi est une. Voyons en quel sens il faut entendre cette unité. La foi est une sous le rapport de son objet formel, qui est la vérité suprême, dans laquelle est contenu tout ce que nous croyons, mais elle est divisée par les sujets où elle existe, spécifiquement une. Si on la prend comme habitude qui fait que nous croyons, elle est numériquement diverse dans divers individus. 7. La foi est-elle la première des vertus? Les vertus théologales, dont l'objet est la fin dernière, ont la priorité sur toutes les autres vertus. Or la fin dernière est dans l'intelligence avant d'être dans la volonté. Celle-ci ne recherchant que des objets perçus par l'intelligence. Par conséquent, puisque la fin dernière existe dans la volonté par l'espérance et par la charité, tandis qu'elle existe dans l'intelligence par la foi, il faut que la foi soit la première des vertus, la connaissance naturelle ne pouvant s'élever jusqu'à Dieu, considérée comme objet de la béatitude. Note. Ce n'est pas à dire, on le conçoit, qu'avant la foi il ne puisse pas exister en nous certaines vertus qui, comme la force, l'humilité et d'autres, écartent ce qui nous empêcherait de croire. Mais ces vertus ne sont de véritables vertus que tant qu'elles présupposent la foi, fondement de l'édifice spirituel. Fin de la note. 8. La certitude de la foi est-elle plus grande que celle de la science et des autres vertus intellectuelles? La foi l'emporte en certitude sur la science et sur les autres vertus intellectuelles. L'apôtre en touche quelque chose en disant, « Ayant ouï la parole de Dieu que nous prêchons, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais comme étant, ce qu'elle est véritablement, la parole de Dieu. » 1 Thessaloniciens 2, 13. Parmi les vertus intellectuelles, la prudence et l'art ont pour objet des choses contingentes, la foi, qui a pour objet les choses éternelles, que l'on ne peut supposer autrement qu'elles ne sont, l'emporte évidemment en certitude sur ces deux vertus par la nature de son objet. Les trois autres vertus intellectuelles, la sagesse, la science et l'intelligence des principes, bien qu'elles aient, comme la foi, des choses nécessaires pour objet, sont cependant aussi moins certaines qu'elles, en ce qui est de leur cause ou de leur motif, car leur certitude ne repose que sur la raison humaine, au lieu que celle de la foi est fondée sur la vérité suprême. Il est vrai que si l'on considère la certitude relativement au sujet qui la possède, point de vue sous lequel on appelle plus certain ce que l'on voit avec plus d'évidence, la foi, qui a pour objet des vérités supérieures à la raison humaine, cède le pas aux trois vertus dont nous parlons, mais comme, pour apprécier une chose, on la juge absolument par sa nature et seulement d'une manière relative par le sujet où on la rencontre. Il est indubitable que la vertu de la foi est plus certaine en soi, quoique les autres vertus le soient davantage sous certains rapports, c'est-à-dire eu égard à nous. Note. Quelqu'un dira que le croyant peut éprouver des hésitations et des doutes, Ce qui n'arrive pas dans la science et dans les autres vertus intellectuelles. Mais cela ne prouve pas que la foi soit moins certaine en elle-même que les vertus intellectuelles. Ces hésitations et ces doutes proviennent de notre intelligence, qui ne perçoit pas avec évidence les vérités de la foi, et non pas de la cause même de la foi. On n'est plus certain de ce que l'on voit, dira cet autre, que de ce que l'on entend. Nous convenons que, toute chose égale, la certitude de la vue est supérieure à celle de l'ouïe, mais si, néanmoins, la personne que l'on entend a une connaissance supérieure, l'ouïe présente plus de certitude que la vision. L'homme peu instruit a plus de certitude sur la vérité qu'il tient d'un savant distingué que sur ce qu'il voit par sa raison. L'homme est pareillement beaucoup plus certain de ce qu'il croit sur la parole de Dieu, qui est infaillible, que de ce qu'il voit par sa propre raison, sujette à l'erreur. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.